Chapitre 12e. Enfin, enfin, voilà la forêt vierge. Voilà le commencement de cette nature à peu près inconnue. Jamais l'âge n'a passé par là. Le pied de l'homme n'a pas foulé cette terre. Il me semble qu'une vie nouvelle se révèle à moi. Ma tendance naturelle à ne saisir que le côté ridicule de tout ce que j'avais vu jusqu'alors fait place tout à coup à des pensées sérieuses, à un recueillement presque religieux. Chaque coup de rame, en me rapprochant davantage de ces scènes grandioses, efface peu à peu le souvenir du passé. La rivière se rétrécit sensiblement, les deux bords vont convergeant l'un vers l'autre, les mangliers disparaissent, l'eau douce remplace l'eau salée, les plantes aquatiques cachent le rivage. Bientôt paraissent des arbres immenses couverts de plantes parasites, de fleurs, d'orchidées, qu'on nomme très justement les filles de l'air, vivant sans racines, suspendues souvent à des lianes, comme des lustres, sans qu'il me soit possible de bien comprendre comment et pourquoi le hasard les a placées ainsi. Le lit de la rivière devient peu à peu si étroit qu'il est nécessaire de se baisser souvent, afin d'éviter les arbres penchés et dont les racines se détachent à demi arrachées de la rive minée par l'eau. À chaque instant, nous passons sous des arcades formées par des myriades de palmistes, aux troncs si frêles qu'il semble, quand on les voit de loin, que le moindre souffle de vent doive les briser. Mon hôte ne comprenait pas mon admiration quand je m'extasiais à la vue des formes fantastiques que les plantes grimpantes, chargées de fleurs, donnaient aux arbres qu'elles envahissaient, simulant dans les airs toutes les figures que pourrait rêver l'imagination la plus riche. Les sensations que j'éprouvais étaient de celles qu'un peintre peut tenter de rendre avec son pinceau, mais que sa parole et sa plume sont tout à fait impuissants à exprimer. J'en croyais à peine mes yeux. Il me semblait voir des temples, des cirques, des animaux fantastiques effacés à chaque pas que nous faisions et remplacés par d'autres images, car, dans cette nouvelle partie de la rivière, les arbres étaient enveloppés de lianes montant jusqu'à leur sommet, descendant en grappes entrelacées, puis remontant pour redescendre encore, formant de toutes parts des réseaux inextricables, toujours verts et fleuris. De la cime de ces arbres envahis tombaient, comme des cordages de navires, d'autres lianes, tellement régulières qu'on les eût prises pour des œuvres d'art. À ces lianes se pendaient des familles de singes ouistiti, que notre présence ne faisait pas fuir et qui, au contraire, nous regardaient avec curiosité, en poussant de petits cris pareils à des sifflements. Mais à toute chose, il y a des contrastes. C'en était un que ces affreux crabes, qu'à notre approche, décampaient au grand effort de leurs grandes pattes armées de pinces formidables, et ces crapauds, de la grosseur d'un chat, qui ont un regard si doux sous une enveloppe si repoussante. Il vint un moment où d'un côté nous aperçûmes une clairière. On y avait abattu les arbres en défrichant, mais on en avait laissé une rangée debout. La rivière était en cet endroit le lieu du monde le plus agréable pour se baigner. Le sable fin et jaune comme de l'or m'invitait à profiter de l'occasion, mais ce fut un désir qu'il me fallut cette fois réprimer. Nous étions arrivés au terme du voyage. Mes impressions poétiques se dissipèrent tout à coup dès que je mis pied à terre. Je vis d'abord sur un coteau une case un peu plus grande que celle des Indiens de Santa Cruz, un très grand terrain plat, coupé par des flaques d'eau et couvert d'une mauvaise herbe, puis aussi loin que mon regard pouvait atteindre des bois vierges dont l'aspect vague ne m'intéressait plus autant. On avait brûlé de tous côtés les arbres après les avoir abattus, ainsi que les plantes parasites de ceux qui restaient debout. Aussi ces derniers me paraissaient-ils maigres et décharnés. Peut-être mon désenchantement tenait-il à une autre cause. L'enthousiasme n'était pas un état normal, et à force d'avoir trop admiré, je n'admirais plus. D'ailleurs, le caractère de l'hôte chez lequel j'allais passer 6 mois, et sa case couverte en palmiers, dans une partie privée d'arbres, aurait suffi, je crois, pour refroidir mon imagination. Enfin, sans trop pouvoir m'expliquer pourquoi, je me sentais triste et désenchanté au moment même de la réalisation de mes plus chers désirs. Les Indiens appartenant à l'habitation vinrent enlever nos effets qu'il était assez difficile de monter sur l'herbe glissante. Ils portèrent d'abord au logis tout ce qui appartenait à leur maître conformément à ses ordres. Quant à moi, assis sur un tronc d'arbre, j'admirais en silence les attentions délicates dont je me voyais l'objet. Mon tour vint toutefois. On me conduisit dans mon logement et je reconnus que la chambre dont on me faisait hommage était encombrée de caisses, de tonneaux et de paquets de cannes sèches. Impossible d'entrer. Je me retirai donc, et j'allai de nouveau m'asseoir sur l'herbe, oubliant une de mes mésaventures de Santa Cruz, une nuée d'insectes impitoyables vint me la rappeler cruellement. Forcé de revenir au gîte, je visitais, en attendant l'heure du dîner, l'intérieur et l'extérieur de la case. La cuisine surtout était d'une saleté impossible à décrire. Une vieille indienne faisait cuire, étendue sur des charbons, un tatou que je crus destiné à notre dîner. Le foyer au milieu de la pièce se composait d'une douzaine de pierres. À droite et à gauche du feu étaient des bancs sur lesquels dormaient les Indiens qui avaient fait notre déménagement. Je me trompais cependant à l'égard du tatou. On préparait à part notre dîner. Une jeune mulâtresse en était chargée. Pendant ce temps, mon hôte, oubliant que je ne savais où me caser, peut-être même que j'existais, causait avec son fétor, titre correspondant à celui de commandeur dans les Antilles. Je continuai donc ma visite, et j'eus le loisir d'examiner tout à mon aise la salle à manger. Un petit ouistiti, méchant et mordant tout le monde, attaché à la croisée. 6 à 8 chiens étiques. Une fourne et 2 chats, grands et petits. Des poules, des canards et des cochons, vivant familièrement avec les maîtres et commettant, ainsi que j'ai pu m'en assurer plus tard, bien des actions répréhensibles pendant les repas. À la fin, le maître de la maison vint me dire d'une façon tout aimable « Mon brave, allons dîner ». Je fus flatté de l'épithète et j'allais dîner en remettant au lendemain la suite de mes explorations. Après le repas, il n'y avait rien de mieux à faire que de se coucher. La fatigue me fit trouver la vue d'un matelas étendu à terre aussi agréable que celle du meilleur lit. Le lieu où l'on m'avait déposé momentanément avec d'autres colis n'offrait, comme tout le reste de la case, pour se garantir du soleil et des insectes, qu'un morceau de toile bleuâtre, en coton, accroché avec des clous. Pendant cette première nuit, j'entendis des cris de tous les côtés. Plusieurs me parurent fort désagréables, surtout celui d'un oiseau dont on m'avait parlé. Cet oiseau que les Indiens nomment Saki, parce qu'il semble prononcer ces 2 syllabes, est pour eux un objet de superstition. Ils pensent que c'est l'âme de quelqu'un de leurs parents. J'ai passé plus tard bien des jours à le chasser. Il se faisait entendre dans un buisson isolé. Guidé par son cri, je m'avançais doucement avec précaution, retenant mon haleine. Un instant, il se taisait, et quand je faisais un pas de plus, le cri se répétait, mais derrière moi. Jamais je n'ai pu voir cet oiseau. Son cri, lorsque je l'entendis pour la première fois, m'avait si longtemps empêché de dormir que j'en serais devenu presque enragé si je ne me fusse levé. Mais je dois dire que je fus bien récompensé du parti que j'avais pris par le tableau qui s'offrit à mes yeux. Sous l'ombre que projetaient au loin les forêts, depuis le bas de la montagne jusqu'au sommet, des myriades de mouches lumineuses brillaient comme des étoiles. J'oubliais bien vite le saki, les cris aigus des hérons, l'hurlement des chats sauvages, au spectacle de ces feux d'artifice naturels devant lesquels j'aurais volontiers passé le reste de la nuit. Si des insectes de toute espèce, se ruant sur mon visage, ne m'eussent obligé à déguerpir et à me réfugier derrière mon rideau et ses clous.